Je veux aujourd'hui faire une sorte de diagnose de l'insécurité mentale de l'homme. L'insécurité mentale. Expliquer pourquoi l'homme vit l'insécurité dans le mental. Étudier les mécanismes qui créent chez l'homme l'insécurité dans l'intelligence. L'intelligence réelle ne vient pas facilement à l'homme. Autrement dit, la construction, le développement de l'éther mental, qui est l'intelligence réelle, ne vient pas facilement à l'homme. L'homme n'a pas d'éther mental. L'homme n'a pas d'éther mental parce que son corps éthérique n'est pas suffisamment développé. De sorte que l'homme, dans son inconscience, l'homme inconscient, vit sa vie en fonction d'un éther astral et d'un éther mental inférieur. Pour que l'homme ait accès ou vive ou bénéficie d'un éther mental, il faut que son corps éthérique se développe. Et son corps éthérique ou sa conscience éthérique, c'est cette conscience qui enveloppe à la fois son intelligence inférieure et ses émotions. Mais cet éther, cette conscience éthérique-là, n'est pas conditionnée par la réalité psychologique de l'intellect ou par la fonction psychologique des émotions. De sorte que l'éther mental, chez l'homme, ne peut se construire que lorsque le corps émotionnel et le corps mental inférieur ont été changés. C'est-à-dire que lorsque ces deux corps ont subi des chocs dans la transmutation. Le phénomène de l'insécurité mentale de l'homme provient du fait qu'il n'a pas d'éther mental. Et n'ayant pas d'éther mental, quand il vit sa vie, quand il vit les expériences de sa vie, toutes ces expériences sont vécues en fonction d'un rejet énergétique. Il y a un rejet d'énergie qui se fait en lui, un rejet d'énergie qui se fait sur le plan émotionnel et qui se fait sur le plan mental inférieur. Quand je parle de rejet d'énergie, je veux dire ceci. Je veux dire qu'un homme qui est conscient, qui a un éther mental, qui a une sécurité mentale parfaite, est incapable de subir dans son éther mental l'activité inférieure des principes inférieurs qui est le mental inférieur et l'émotionnel inférieur. Autrement dit, l'émotionnel et le mental inférieur n'ont aucun pouvoir sur son éther mental, c'est-à-dire que ces deux plans-là ne peuvent pas changer la conscience, c'est-à-dire l'état vibratoire de ce médium, de cet éther mental-là. De sorte que ces deux plans-là ne peuvent pas affecter sa vie intelligente. L'homme qui est inconscient n'a pas de vie intelligente. Il a une vie mentale, qu'on appelle une vie intellectuelle. Mais il n'a pas une vie intelligente. Parce que pour avoir une vie intelligente, il faut avoir un éther mental. Et comme il n'a pas de vie intelligente, automatiquement, ses émotions affectent son intellect, comme son intellect affecte ses émotions, parce que les deux principes inférieurs non développés, non perfectionnés de l'homme, sont liés les uns aux autres. Et ils sont liés les uns aux autres en fonction d'un principe universel chez l'homme qu'on appelle la mémoire. Et la mémoire, c'est une réserve d'énergie dans l'homme qui est presque instantanée, qui est extrêmement subliminal et qui permet à l'homme, quand il est inconscient, de revenir à cette source qui déjà a été faite originalement, construite, par l'activité du mental inférieur et du plan émotionnel. De sorte que l'homme qui est inconscient ne sort jamais de lui-même, il est toujours dans lui-même, il vit toujours en fonction du mental inférieur et de l'émotionnel. Et ceci l'empêche de vivre de son intelligence, autrement dit d'être dans son intelligence réelle, autrement dit de créer, de former un éther mental qui est le seul éther pour l'homme aujourd'hui au stade de l'évolution présente qui puisse donner à l'homme une liberté suffisamment grande contre son intellect et contre son émotion pour l'arracher de l'existence et commencer à le faire vivre. L'insécurité mentale de l'homme, c'est l'insécurité psychologique de l'homme. Mais dans l'insécurité psychologique de l'homme, il y a l'insécurité mentale, mais il y a l'insécurité émotionnelle aussi. Mais je ne veux pas parler d'insécurité émotionnelle ce soir. Je veux réellement approfondir le côté de l'insécurité mentale. Alors, dans l'insécurité mentale de l'homme, il existe deux forces fondamentales. La première force, c'est la mémoire. Et la deuxième force, c'est l'incertitude. Alors, dans le mental inférieur de l'homme, il y a deux forces qui lui donnent conscience mentale inférieure. Une, la mémoire, et l'autre, l'incertitude. La fonction de la mémoire et sa relation avec l'incertitude provient du fait que dans la mémoire de l'homme n'existe pas toute l'intelligence de l'homme. Comme toute l'intelligence de l'homme n'est pas présente dans l'expérience de la mémoire de l'homme, il se crée au bout de ce phénomène l'incertitude. Alors, le phénomène d'incertitude et le phénomène de la mémoire chez l'homme sont deux phénomènes qui sont reliés les uns aux autres. Et le phénomène de la mémoire est responsable pour la création chez l'homme de l'incertitude parce que dans la mémoire de l'homme ne sont pas contenus tous les paramètres de l'intelligence, c'est-à-dire ne sont pas contenues toutes les possibilités possibles d'une situation, de sorte que l'homme est obligé de vivre dans son mental inférieur une condition qui est sujette à créer en lui une question, à créer en lui une incertitude, à créer en lui éventuellement de l'insécurité. Puisque l'homme n'a pas d'éther mental, puisque l'homme n'est pas dans une intelligence réelle qui est en dehors de lui, mais qui fait partie de lui, il est obligé de se servir d'une intelligence qui fait partie de lui. Et cette intelligence qui fait partie de lui, c'est son intellect. Et cette intelligence qui fait partie de lui, elle est conditionnée par son corps émotionnel. Alors, tant que l'homme n'a pas développé l'éther mental, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été capable de vivre sans l'aide de son intellect et sans l'aide de ses émotions. Autrement dit, tant qu'il n'a pas été capable de vivre complètement en dehors de sa subjectivité intellectuelle ou émotive, il est incapable de créer un éther mental. Ce qui crée chez l'homme l'éther mental, c'est le fait qu'il peut vivre en dehors de son intellect et en dehors des émotions qui nourrissent son intellect, ainsi de suite. L'éther mental, c'est une condition de l'esprit de l'homme qui permet à son esprit d'être dans la même vibration que l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est une énergie qui descend vers l'homme, qui connecte avec l'homme et qui donne à son esprit la valeur d'elle-même. Si l'homme n'est pas capable de vivre dans son esprit, il n'est pas capable de vivre de l'esprit de l'intelligence. Et automatiquement, il est obligé de se replier sur son ego. Et en se repliant sur son ego, il vit de son intellect et de son émotion. Ce qui crée l'insécurité de l'ego. l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire l'énergie de l'intelligence, qui fait partie de l'homme, ne peut pas faire partie de l'homme si ce dernier a un corps mental inférieur, parce que le corps mental inférieur est incapable de supporter la vibration de cet esprit-là, est incapable de supporter la vibration de cette intelligence-là, est incapable de supporter la nature absolue de cette intelligence-là. Et comme l'homme n'est pas capable de supporter la nature absolue de l'intelligence, il est obligé de supporter la nature relative de l'intelligence. Et la nature relative de l'intelligence, c'est la nature de l'intelligence manifestée dans l'intellect et l'émotion de l'homme. Si l'homme vit de la nature relative de l'intelligence, il vit intuitivement son intelligence. Et ne peut pas créer un éther mental supérieur, parce que pour qu'il crée un éther mental supérieur, il est obligé d'apprendre au cours des années à ne pas vivre de la nature relative de la relation entre son esprit et l'esprit d'intelligence, mais de vivre d'une façon absolument absolue en relation avec elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme se dépersonnalise, la valeur de son ego s'amenuise, le voile de l'ego tombe, et l'homme tombe, vit de et dans l'intelligence pure, c'est-à-dire dans cette intelligence qui est inconditionnelle, qui est purement énergétique, et qui n'a pas besoin du support de son intellect et du support de son émotion pour se manifester à lui. À ce moment-là, l'homme ne vit plus d'insécurité psychologique. Il est bien dans sa peau. Mais l'homme est un être entêté. Et quand je dis que l'homme est un être entêté, je l'ai dit d'une façon qui est particulière. L'homme est un être entêté dans ce sens que quelle que soit sa relation avec l'intelligence pure, il rationalisera toujours sa relation avec l'énergie de cette intelligence. Et il dira toujours, lorsque se manifestera l'énergie de cette intelligence pour transmuter son mental et transmuter son émotionnel, il dira toujours, j'en ai assez de la souffrance, j'en ai plein cul de la souffrance. Je veux pas être un saint. L'homme parle de même. Et l'homme a raison de parler comme ça. Il a raison parce que la vie sur le plan matériel doit être une vie bien vécue et doit être une vie qui n'est pas vécue à l'intérieur de la souffrance tout le temps. Mais le point n'est pas là parce que lorsque l'énergie de l'intelligence commence à entrer dans l'homme, c'est parce que l'homme est capable de la subir, cette énergie-là. Et comme il est capable de la subir, automatiquement il est capable de l'absorber. Et même si l'homme gueule, il est obligé de réaliser au cours des années que, éventuellement, il a développé une résistance très grande à cette énergie-là. Et ça, c'est parce que son éther mental est développé. À ce moment-là, la vie de l'homme est très facile parce que l'homme ne peut plus se prendre au sérieux sur le plan de son intelligence rationaliste ou de son émotion. Mais l'homme est un être entêté de plusieurs façons. L'homme est un être entêté parce que il ne peut pas faire autrement. L'homme ne peut pas ne pas être entêté contre l'énergie de l'intelligence parce que l'homme est suffisamment intelligent pour ne pas vouloir souffrir. Mais il y a un couteau à deux tranchants là-dedans. C'est que pour que l'homme ne veuille pas souffrir, il faut que l'homme soit capable de ne pas pouvoir souffrir. Je le répète. Pour que l'homme ne veuille pas souffrir de l'énergie d'intelligence qui veut créer un éther mental au-dessus de son intellect et de ses émotions, il faut que l'homme soit capable de ne pas pouvoir souffrir. Bien là le point. Et les hommes ne sont pas capables de ne pas pouvoir souffrir quand l'énergie de l'intelligence descend pour créer un éther mental, pour deux raisons. Parce que les hommes sont vaniteux devant eux-mêmes. Quand je dis que les hommes sont vaniteux devant eux-mêmes, je dis que les hommes ont l'impression d'avoir raison, ils sont pas sûrs d'avoir raison. Il y a une maudite différence entre être sûr d'avoir raison puis avoir l'impression d'avoir raison. Et la plupart des hommes qui vivront dans les années à venir la descente de l'énergie dans le mental supérieur pour créer un éther mental supérieur auront l'impression d'avoir raison, mais ne seront pas sûrs d'avoir raison. Et tant que tu n'es pas sûr d'avoir raison, tant que tu n'es pas 100% sûr d'avoir raison, tant que tu n'es pas absolument sûr d'avoir raison, tu n'as pas la volonté de détruire. De détruire les conditions qui font que l'intelligence, son énergie qui pénètre dans ton mental et ton intellect te fasse souffrir. Pour qu'un homme puisse ne plus souffrir, il faut qu'il soit sûr d'avoir raison. Pas seulement l'impression d'avoir raison. Et qu'est-ce que c'est la différence entre avoir l'impression d'avoir raison puis être sûr d'avoir raison? L'impression d'avoir raison, et remarquez-le bien ça, dans l'impression d'avoir raison, il n'y a pas de volonté. Ou il peut y avoir un petit peu de volonté. Ou il peut y avoir pas mal de volonté. Mais dans l'impression d'avoir raison, il n'y a pas une volonté absolue. C'est-à-dire que la condition de l'intelligence n'est pas suffisamment élevée pour permettre à l'homme, de par sa volonté réelle, de trancher complètement la situation et de s'exorciser du pouvoir de l'intelligence sur son mental et sur son émotionnel. Autrement dit, je vais plus loin, puis c'est bien important. Autrement dit, tant que l'homme a l'impression d'avoir raison, s'il regarde au fond de lui-même, il verra qu'au fond de lui-même, il y a des attaches émotives et mentales entre sa vie et la vie mécanique, entre sa vie et la vie matérielle, ou sa vie et les conditions de vie. Et ces attaches-là sont suffisamment subtiles, suffisamment fortes, suffisamment présentes pour lui enlever la certitude absolue qu'il a raison. Parce qu'une fois que l'homme vit la certitude absolue qu'il a raison, il ne peut plus être affecté par l'énergie de l'intelligence. Il est automatiquement dans cette énergie, il est dans l'éther mental, il ne peut plus souffrir de l'énergie de l'intelligence dans son mental inférieur et dans son émotionnel. Mais tant qu'il a l'impression d'avoir raison, il va en souffrir et l'énergie de l'intelligence au cours des années va l'amener à un point où il sera suffisamment dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il sera suffisamment certain qu'il a raison, qu'à ce moment-là, il aura le pouvoir de l'intelligence, il aura le pouvoir de volonté, et il s'exorcisera de l'énergie de l'intelligence et de son effet sur son mental, sur son corps émotionnel ou dans sa vie en général. C'est très facile pour l'homme, puis bien plus que vous pensez, c'est très facile pour l'homme de se donner raison, puis d'avoir, puis de se donner l'impression qu'il a raison, puis de penser qu'il a raison. C'est tellement facile que, pour vous le faire comprendre, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a seulement une mesure, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une mesure dans la vie de l'homme qui se conscientise, qui lui permet de savoir s'il a parfaitement raison. S'il a la certitude parfaite et absolue de son intelligence. Et cette mesure-là, c'est quand il ne peut plus souffrir de l'énergie de l'intelligence. Et tant que l'homme peut souffrir de l'énergie de l'intelligence sur son mental ou sur son émotionnel, c'est inévitablement absolument réel qu'il ne peut pas avoir parfaitement raison. Et c'est pour ça que l'énergie de l'intelligence continue à travailler pour former son état mental. Un homme qui est dans l'éther mental, qui a un éther mental, dont l'éther mental est formé, ne peut plus souffrir vibratoirement dans la vie. S'il souffre vibratoirement dans la vie, le travail sur l'éther mental n'est pas fini et ce travail-là doit se terminer. Et ce travail-là se terminera. Que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le travail, un jour, doit se terminer pour que l'homme ait un état mental parfait, parce que c'est à travers le fait qu'il possède un état mental qu'il pourra un jour prendre conscience de son corps éthérique. Alors, l'insécurité de l'ego face à la vie, face à n'importe quoi dans la vie, n'importe quoi. L'insécurité de l'ego face à n'importe quoi dans la vie provient du fait que l'ego n'a pas d'éther mental. Et l'ego dans la vie, pour balancer cette insécurité, va travailler outre mesure pour se développer un mental inférieur ou pour jouir sur le plan astral, afin de créer une balance, afin de pouvoir se donner une sécurité quelconque, qui est une sécurité psychologique, mais qui peut sauter n'importe quand la table tourne bas. Alors, la sécurité de l'ego n'est pas en fonction de son intellect ou de son émotionnel, même s'il y a une sécurité quelconque. La sécurité de l'ego est en fonction du développement de l'éther mental. Et pour que l'éther mental se développe, il faut que l'ego réalise, au fur et à mesure qu'il se conscientise, que toute sa sécurité mentale et sa sécurité émotionnelle doit être démolie parce que l'éther mental est construit en fonction et proportionnellement avec la démolition de la forme qui est dans son mental inférieur et dans son émotionnel. Alors, l'ego qui se conscientise, qui se développe, qui va vers le développement d'un éther mental, ne peut pas seulement avoir l'impression qu'il a raison. Il doit être absolument dans l'intelligence de cette réalisation-là. Et à ce moment-là, mais non, il ne souffre plus des conditions extérieures qui puissent le mettre sur le spot et le faire vibrer dans le mental ou dans l'émotionnel pour lui faire sentir l'insécurité de son ego. On dit souvent que la vie a ses secrets. On dit souvent que on la vit le mieux qu'on peut. Mais la raison pour laquelle on dit ça, c'est parce qu'on ne connaît pas les lois de la vie. Et la vie ne devrait pas avoir de secrets pour l'homme. Et l'homme devrait vivre la vie ou sa vie comme il le veut. Mais pour que l'homme vive sa vie comme il le veut, il faut qu'il se développe en lui un éther mental. C'est-à-dire qu'il faut que se détruise en lui l'insécurité de l'ego, l'incertitude de l'ego. C'est-à-dire que le voile de l'ego ne répercute pas constamment sur sa conscience la mémoire de ses émotions et la mémoire de son intellect. Mais je disais tout à l'heure que l'ego est un être entêté. Et le phénomène de l'entêtement, c'est un phénomène bien particulier. C'est tellement fort l'entêtement chez l'homme. Parce que être entêté, ça fait partie d'une sorte de liberté qui existe dans l'homme. C'est une sorte de liberté d'homme d'être entêté. Et cette liberté d'homme d'être entêté est suffisamment grande pour que l'homme rejette la pénétration de l'énergie de l'intelligence pure sur son mental et sur son émotionnel. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes évoluent très lentement parce qu'il y a en eux de l'entêtement. Je ne parle pas de l'entêtement comme on en parle d'habitude. L'entêtement, dans le sens que j'en parle, c'est ceci. L'entêtement, dans le sens que j'en parle, c'est ceci. C'est que l'entêtement est une condition chez l'homme, qui fait partie de l'homme, une condition de sa liberté, d'une sorte de liberté qu'il possède, qui est fondée sur sa capacité de s'envelopper, de se protéger émotivement ou intellectuellement contre des forces qui risquent de pénétrer en lui et de changer tellement ses vibrations qu'elles le mettent en contact avec une autre dimension. Alors ça, ce phénomène-là d'entêtement, il existe dans tous les hommes de la Terre. Et C'est tellement réel, ça, que quand l'intelligence descend sur un globe ou sur une planète et qu'elle veut être canalisée par un homme, par exemple, elle va fusionner avec lui. Fait qu'en fusionnant avec elle, avec lui, l'homme ne peut plus être entêté. Il est obligé de subir sa pénétration pour servir de canal pour les autres hommes. Alors, l'entêtement chez l'homme, il est tellement universel, il est tellement répandu, même chez les gens qui ne sont pas entêtés de nature psychologiquement, même les gens que l'on ne dira pas qui sont entêtés, tout homme est entêté. Parce que tout homme a en lui la prérogative subjective de son intellect et de ses émotions. Et la prérogative subjective de son intellect et de ses émotions fait partie de la personnalité planétaire de l'homme. Elle fait partie de son ignorance. Elle fait partie de son droit de vivre en tant qu'être animalisé. Et l'homme a le droit de vivre sur la Terre en tant qu'être animalisé. Mais lorsque l'homme commence à entrer en contact ou qu'il commence à vivre la descente d'énergie extrêmement puissante dans ses sens, à ce moment-là, l'homme perd petit à petit le droit d'être entêté subjectivement pour éventuellement, plus tard, quand il sera dans l'intelligence pure, de reconquérir le droit d'être entêté, c'est-à-dire de manifester sa volition à volonté. Mais il le fera dans un temps qui est haut et il le fera dans une condition à l'intérieur de laquelle l'intellect et l'émotion ne peuvent pas colorer son action. Autrement dit, il y a deux sortes d'entêtement qui puissent exister chez l'homme. Il y a l'entêtement inconscient, à plus ou moins grande échelle, et il y a l'entêtement conscient à l'échelle cosmique. Et l'entêtement conscient à l'échelle cosmique est un entêtement, c'est-à-dire, est une prise de conscience qui réfléchit chez l'homme, non pas le rejet des forces en lui, mais le rejet des forces inférieures sur lui. Tandis que dans le cas de l'homme, il ne rejette pas les forces inférieures qui ont un effet sur lui. Il rejette les forces supérieures qui ont un effet sur lui parce qu'il souffre et qu'il n'a pas la résistance pour les absorber. Est-ce que comprends-tu ça? Alors, deux sortes d'entêtement. L'incertitude ou l'insécurité dans l'ego n'est pas seulement une condition psychologique. L'incertitude et l'insécurité dans l'ego provient du fait que l'ego n'est pas suffisamment intelligent. Autrement dit, suffisamment dans l'intelligence. Autrement dit, n'a pas été suffisamment rendu perméable à cette énergie. Et n'ayant pas été suffisamment rendu perméable à cette énergie, il n'a pas la capacité, sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel, de rendre jugement dans la vie. Parce que, pour rendre jugement dans la vie, pour être soi-même dans la vie un tribunal, veillant à porter jugement sur la qualité de notre action, il faut que soi-même, l'homme, l'individu complet, conscientisé, soit parfaitement conscient dans l'intelligence et parfaitement neutre, parfaitement en dehors de son intellect et de son émotionnel. Autrement dit, il faut que l'homme ne vive plus sous le joug du voile de l'ego, mais vive complètement à l'intérieur de son éther mental. Dans l'insécurité de l'ego, dans l'incertitude de l'ego, il y a deux faces. Il y a une différence entre l'incertitude de l'ego et l'insécurité de l'ego. L'insécurité de l'ego vient de l'émotion, l'incertitude de l'ego vient du mental. L'union entre l'incertitude et l'incertitude et l'insécurité crée la souffrance psychologique de l'âme. L'union entre l'incertitude et l'insécurité crée cette condition de vie humaine inférieure qui est équivalente à ce qu'on appelle la condition humaine. Crée chez l'homme une situation de vie qui n'est pas sous son contrôle parce qu'il n'est pas dans l'intelligence de sa vie et automatiquement il est obligé de vivre dans une intelligence inférieure qui est déjà conditionnée par des émotions qui font partie de sa nature animale. Alors, le phénomène de l'insécurité et de l'incertitude chez l'homme qui se conscientise doit être réalisé, perçu, vécu, compris et ajusté au fur et à mesure qu'il se conscientise, c'est-à-dire ajusté au fur et à mesure qu'il devient intelligent. Autrement dit, un homme qui se conscientise doit perdre petit à petit de l'incertitude, perdre petit à petit de l'insécurité, pour en arriver un jour à ne plus avoir dans sa vie le problème de l'incertitude et le problème de l'insécurité. Quand l'homme avance vers cet état d'esprit où il n'y a plus en lui le problème de l'incertitude et le problème de l'insécurité, il commence à se développer un état mental. Mais il y a une situation qui se produit à ce moment-là. C'est l'homme qui commence à développer un état mental, prend tellement conscience de ce qu'il n'y avait pas avant, qu'il commence à avoir l'impression que ce qu'il a aujourd'hui, c'est parfait. Et ça, c'est une très grave erreur. Et les hommes qui vivent de cette condition-là, qui prennent conscience à un point tel, ça, c'est comme un petit gars qui a 6 ans, puis tout d'un coup, il a 14 ans. Et la différence entre 14 ans et 6 ans est tellement grande que le petit gars à 14 ans, il pense qu'il comprend tout de la vie. Il s'aperçoit, après très peu de temps, qu'il ne comprend pas tout de la vie. Bon ben, l'homme qui se conscientise, qui commence à développer la conscience et qui commence à développer un état mental et qui commence à ne plus vivre de l'incertitude et de l'insécurité, il commence à vivre d'une fausse certitude. Et cette fausse certitude, elle est très dangereuse, surtout s'il rencontre un homme qui est dans l'intelligence et qui voit à travers tous les replis, toutes les vibrations possibles de cette fausse illusion de l'ego qui n'est pas fusionnée. Quand un homme commence à développer un état mental, quand un homme commence à être plus près de lui-même, il doit être capable de contrôler l'énergie de son intelligence. De contrôler l'énergie de son intelligence, parce que s'il ne contrôle pas l'énergie de son intelligence, cette énergie-là se servira de son corps émotionnel pour créer dans le monde autour de lui des chocs vibratoires parce que cette énergie-là doit être canalisée. Et si l'homme est dans l'impression de certitude ou de sécurité parce qu'il a un état mental plus développé, il se fera jouer un jour un taux. Il se fera jouer un jour un taux par l'énergie de l'intelligence parce que l'énergie de l'intelligence, lorsqu'elle a commencé à descendre dans un homme, elle ne cesse plus. C'est-à-dire qu'elle perfectionne et elle perfectionne et elle perfectionne et elle perfectionne et elle perfectionne jusqu'à temps que l'homme soit suffisamment perfectionné pour ne pas se prendre pour un autre, pour ne pas avoir l'impression que sa raison, que son point de vue qui est plus haut qu'avant, parce qu'il y a un état mental, que son point de vue est suffisamment haut pour qu'il puisse régir ou oser régir le point de vue des autres. Autrement dit, ce que je veux dire dans deux lignes, c'est que plus vous avancerez dans l'intelligence, plus vous recevrez de l'énergie. Plus vous avancerez dans l'intelligence, plus vous aurez de certitude, plus vous aurez de sécurité. Mais plus vous avancerez dans l'intelligence, plus vous aurez de force mentale, parce que l'état mental, c'est fort. Mais plus vous avancerez dans l'intelligence, plus vous devrez réaliser l'importance de contrôler votre énergie devant les hommes et de ne vous servir de votre énergie que pour travailler. Pas contre les hommes, mais seulement pour travailler. Et si vous utilisez cette énergie, non pas seulement pour travailler, autrement dit, pour vous rendre une vie matérielle plus plaisible, plus créative, plus plaisante, et que vous vous servez de cette énergie contre les hommes, il y a des hommes qui auront le pouvoir de détruire en vous l'émotion, qui auront le pouvoir de détruire en vous le corps émotionnel. Parce qu'il y aura toujours des hommes sur la terre plus puissants que vous en vibration, pas nécessairement en intelligence, mais en vibration. Il y aura toujours des hommes sur la terre qui seront plus près de l'énergie dans le mental que vous. Et vous le saurez seulement quand vous les rencontrerez, ces hommes-là. Et ces hommes-là, à cause de leur vibration, à cause du fait qu'ils seront encore plus dans la certitude et plus dans la sécurité de l'ego que vous, ils auront la capacité de vous créer des chocs tellement grands que vous n'aurez pas de choix, éventuellement, que d'en arriver à un raccord avec votre propre réalité. Et le raccord avec votre propre réalité, c'est d'en arriver un jour à réaliser que l'énergie que vous avez dans le mental doit vous servir seulement pour travailler et non pour éduquer les autres. Vous n'avez pas à éduquer personne. Vous avez à vous éduquer vous-même, à vous comprendre vous-même, et en vous comprenant vous-même, automatiquement, vous établirez des liens avec les hommes qui seront harmonieux. Mais si, parce que vous avez un état mental plus élevé que les autres, vous tombez dans l'illusion de l'impression de vouloir éduquer des hommes, vous allez faire fausse route. Votre énergie mentale, votre état mental doit servir simplement dans votre travail. Et dans votre travail, s'il y a des relations de communication, d'études avec les hommes apprendront de vous, mais ils apprendront de vous parce que dans votre travail, vous serez pleinement ou suffisamment avancé dans votre état mental. Quand on est inconscient, on a des modes d'expression. On a des façons de parler. On a des mécanismes psychologiques qui relèvent de la civilisation, qui relèvent du langage, qui nous permettent de parler ou qui nous font ou parler avec des gens suffisamment, d'une façon suffisamment harmonieuse pour pas qu'il y ait trop de tension entre les gens. On a des formules de politesse. On a des écarts dans le langage. On a toutes sortes de choses. On a des mécanismes. Mais quand l'homme rentre dans l'état mental, que l'homme a un état mental, les formules qui ont servi sur le plan psychologique de l'individu civilisé, ces formules-là n'existent plus. Ces formules-là n'existent plus parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Mais comme elles n'existent plus, ces formules-là, tant que l'homme n'est pas suffisamment désengagé de l'impression d'avoir raison, sa communication avec les hommes peut être extrêmement brutale et peut créer et troubler l'éther entre lui et les hommes. Aucun homme n'a le pouvoir d'enseigner, dans le sens de donner de l'instruction aux hommes, tant qu'il n'est pas en pleine fusion. Un homme peut avoir la capacité d'enseigner aux hommes. Il y a une différence entre la capacité d'enseigner aux hommes et le pouvoir d'enseigner aux hommes. Le pouvoir, dans le pouvoir d'enseigner aux hommes, existent toutes les conditions de cet enseignement. Mais dans la capacité d'enseigner aux hommes, toutes les conditions n'existent pas parce que la fusion n'est pas totale et parce que le rapport entre les hommes est un rapport d'ego à ego et non d'esprit à esprit. Pour que l'homme ait un rapport d'esprit à esprit avec les hommes, il faut qu'il soit fusionné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en dehors de l'ego, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en dehors de l'émotion, de l'intellect. Il faut qu'il y ait un état mental qui est totalement développé et qu'il puisse absorber parfaitement l'énergie de l'intelligence. Sans ça, l'homme crée des chocs et l'homme retarde l'évolution de l'homme. Le phénomène de l'insécurité de l'ego et le phénomène de l'incertitude de l'ego, c'est un phénomène de polarité. L'insécurité, c'est négatif, l'incertitude, c'est positif. Et l'homme ne connaît pas la différence entre l'insécurité et l'incertitude sur le plan vibratoire. Mais il y a une différence vibratoire entre l'incertitude et l'insécurité. L'insécurité appartient à l'émotionnel comme l'incertitude appartient au mental. Mais les deux aspects La polarité fait partie de l'homme inférieur, fait partie de l'homme en dehors de son éther mental. De sorte que l'incertitude et l'insécurité disparaît chez l'homme seulement quand il a un état mental parfaitement développé. Et il le sait à ce moment-là. Il sait, il peut mesurer à ce moment-là le degré d'incertitude et le degré d'insécurité qui existe en lui. Et rendu à un certain moment, il s'aperçoit que l'incertitude n'existe plus et que l'insécurité n'existe plus. Mais quand l'insécurité n'existe plus dans l'homme et que l'incertitude n'existe plus dans l'homme, réellement, c'est à ce moment-là que deux hommes qui se rencontrent, dont l'un vit d'incertitude et l'autre vit d'insécurité, c'est à ce moment-là que ces deux hommes-là doivent être extrêmement délicats dans leur approche parce qu'un peut facilement terrasser l'autre à l'insu de l'autre. Sur le plan humain, sur le plan de l'homme qui va vers la conscience, l'insécurité de l'ego est liée à ses émotions. Pourquoi? Parce que son corps émotionnel n'est pas contrôlé par l'énergie de l'éther mental. L'incertitude existe. Pourquoi? Parce que le corps mental n'est pas contrôlé par l'énergie de l'éther mental supérieur chez l'homme. Et l'homme qui se conscientise et qui vit l'incertitude ou l'insécurité doit réaliser ces deux phénomènes. C'est important qu'il les réalise. C'est important qu'il les souffre pour en arriver à construire son éther mental. Alors, l'insécurité chez l'homme, ça fait partie de sa structure. L'incertitude, ça fait partie de sa structure. Ça fait partie de sa condition humaine inférieure. Et lorsqu'il se conscientise et qu'il sort de l'illusion de ne pas l'avoir, cette insécurité, cette certitude, parce qu'il est plus sensé de lui-même, à ce moment-là, il doit regarder, voir, réaliser les moments dans sa vie qui créent en lui de l'incertitude et de l'insécurité pour les dépasser, ces moments-là. L'homme est un être qui, lorsque l'éther commence à se former, se dépasse constamment. Ça veut dire quoi se dépasser? Ça veut dire s'améliorer constamment.